Chapitre 60. La générosité et la dépense dans les bonnes œuvres, tout en ayant confiance en Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace. Sourate 34, verset 39. Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage, et vous ne dépensez que pour la recherche de la face wajh d'Allah. Et vous serez pleinement récompensé pour tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres, et vous ne serez pas lésé. Sourate 2, verset 272. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. Sourate 2, verset 273. 544. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'est permis d'envier que deux catégories d'hommes. Celui à qui Allah a donné des biens et à qui il a permis de les dépenser dans les bonnes œuvres, et celui à qui Allah a donné une sagesse par laquelle il juge et qu'il enseigne aux autres. Al-Bukhari et Muslim. 545. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: qui parmi vous préfère les biens de ses héritiers aux siens? Les compagnons répondirent: ô messager d'Allah, nous préférons tous nos propres biens. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: vos biens, c'est ce que vous dépensez en vue de l'au-delà. Et les biens de vos héritiers, c'est ce que vous laissez à votre mort. Al-Bukhari. 546. Selon Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date, offerte ou donnée en aumône. Al-Bukhari et Muslim. 547. Jabir, radiyallahu anhu, a dit: le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a jamais dit non à celui qui lui demandait quelque chose. Al-Bukhari et Muslim. 548. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: chaque matin, deux anges descendent, et l'un d'eux dit: ô Allah, donne en compensation à celui qui donne en aumône. Alors que l'autre dit: ô Allah, apporte la ruine à l'avare. Al-Bukhari et Muslim. 549. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah Ta'ala a dit: dépense dans le bien, ô fils d'Adam, on dépensera alors pour toi. Al-Bukhari et Muslim. 550. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, un homme interrogea le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam: quel est le meilleur islam? Il répondit, sallallahu alayhi wasallam: c'est nourrir les autres et saluer les gens, que tu les connaisses ou non. Al-Bukhari et Muslim. 551. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il y a 40 bonnes actions, dont la plus méritoire consiste à prêter une chèvre à quelqu'un pour qu'il profite de son lait. Nul n'accomplit l'une de ces bonnes actions, tout en espérant sa récompense et en étant convaincu de ce qui lui a été promis, sans qu'Allah ne le fasse entrer par elle au paradis. Al-Bukhari. 552. D'après Abu Umama Sudayy ibn Ajlan, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: ô fils d'Adam, que tu donnes généreusement ce qui excède tes besoins est meilleur pour toi, et le conserver est un mal. Mais tu ne seras jamais blâmé pour avoir gardé ce qui te permet de subsister, et commence par ceux qui sont à ta charge, et la main supérieure qui donne est meilleure que la main inférieure qui demande. Muslim. 553. Anas radiyallahu anhu a dit: On n'a jamais rien demandé au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avec comme désir de raffermir sa foi en islam sans qu'il ne l'accorde. Un homme venu le voir, il donna un troupeau de moutons occupant l'espace compris entre deux montagnes. De retour auprès des siens, il s'exclama « Ô gens, embrassez l'islam, car Muhammad donne comme quelqu'un qui ne craint point la pauvreté. » Il arrivait alors à certains d'embrasser l'islam par appât du gain, puis bientôt, l'islam devenait plus cher à leurs yeux que toutes les richesses du monde. Muslim. 554. Omar, radiyallahu anhu, rapporte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, distribua un jour des biens à certains, ce qui me fit dire, « Ô messager d'Allah, d'autres le méritent plus que cela. » Il répondit, « Ils ne m'ont pas laissé le choix. Soit je leur accorde ce qu'ils me demandent avec insistance, soit ils me traitent d'avare, alors que je ne suis pas avare. » Muslim. 555. Jubair ibn Mut'im, radiyallahu anhu, rapporte qu'il se trouvait avec le prophète, alayhi salatu wassalam, de retour de la bataille de Hunayn. Lorsque des bédouins s'agglutinèrent autour de lui, en lui réclamant des biens, jusqu'à l'acculer contre un arbre à épines et faire tomber son manteau. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se releva puis dit « Rendez-moi mon manteau. Si j'avais autant de chameaux que ces épineux, je vous les distribuerai tous. Et sachez que vous ne me trouverez ni avare, ni menteur, ni lâche. » Al-Bukhari. 556. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Donner l'aumône n'a jamais diminué les biens du donateur, et Allah ne fait qu'augmenter l'honneur de celui qui pardonne aux autres, et personne ne fait preuve d'humilité pour Allah sans qu'il ne l'élève en degré. » Muslim. 557. Abu Kabsha, Omar ibn Sa'd al-Anmari, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Je jure de la véracité de ces trois paroles que je vais vous citer. Alors, retenez-les bien. Donner l'aumône n'a jamais diminué les biens du donateur. Personne ne patiente face à une injustice sans qu'Allah ne l'élève en gloire. Et personne n'a ouvert la porte de la mendicité sans qu'Allah ne lui ouvre la porte de la pauvreté. » Ou des paroles identiques. Je vais vous citer d'autres paroles, alors retenez-les également. Les hommes sont de quatre catégories. Il y a d'abord celui à qui Allah a octroyé richesse et savoir et qui, à travers ces deux choses, craint son Seigneur, maintient les liens du sang et reconnaît les droits d'Allah. Celui-ci occupe le meilleur rang. Il y a ensuite celui à qui Allah a attribué le savoir sans la richesse. Il est sincère dans son intention lorsqu'il dit « Si j'étais riche, j'agirais comme un tel. » Eu égard à son intention, sa récompense est équivalente à celle du premier. Vient ensuite celui à qui Allah a accordé la richesse sans lui avoir donné le savoir. Il gaspille ses biens sans savoir et sans craindre Allah dans ses dépenses ou son comportement. Celui-là ne maintient pas les liens du sang et ne reconnaît pas les droits d'Allah dans ses dépenses. Celui-là occupe la pire des positions. Pour finir, il y a celui à qui Allah n'a donné ni richesse, ni savoir. Il dit « Si j'étais riche, j'agirais comme un tel », le précédent. Compte tenu de son intention, son fardeau est équivalent à celui du précédent. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. 558. Aisha, radiyallahu anha, rapporte ceci. Un mouton fut égorgé. Après qu'une partie fut donnée en aumône, le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda, « Qu'en reste-t-il ? » « Il ne reste que l'épaule, » répondit-elle. Il dit, « Plutôt, il reste tout pour l'au-delà, sauf l'épaule. » At-Tirmidhi a dit, Hadith Sahih. 559. Asma bint Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhuma, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Ne sois pas avare pour ne pas être toi-même privé de la grâce d'Allah. » Dans une autre version, « Dépense sans compter si tu ne veux pas qu'Allah te donne avec parcimonie et qu'il te demande des comptes, et ne conserve pas ce qui excède tes besoins de peur qu'Allah ne te prive de ses faveurs. » Al-Bukhari et Muslim. 560. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « L'avare et le généreux sont comparables à deux hommes portant chacun une cotte de maille leur couvrant la poitrine jusqu'à la clavicule. Chaque fois que le généreux fait un don, son armure s'allonge et finit par lui couvrir entièrement le corps jusqu'aux orteils et lui couvrir toute trace, ses péchés. Quant à l'avare, chaque fois qu'il souhaite dépenser, les mailles de son armure se bloquent et il tente en vain de les élargir. » Al-Bukhari et Muslim. 561. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque donne en aumône l'équivalent d'une date acquise licitement et Allah n'accepte que ce qui est licite, Allah l'accepte de la main droite puis la fait croître comme l'un d'entre vous élève son poulain jusqu'à ce qu'elle devienne grande comme une montagne. » Al-Bukhari et Muslim. 562. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Tandis qu'un homme traversait une terre aride, il entendit une voix provenant d'un nuage qui disait « Arrose le jardin d'un tel. » Le nuage en question se dirigea vers une terre recouverte de pierres noires sur laquelle il déversa son eau. L'un des ravins de cette terre reçut l'eau entièrement. L'homme suivit le ruisseau jusqu'à arriver à un jardin où il découvrit un homme debout, une bêche à la main, en train de détourner l'eau. Il lui dit « Ô serviteur d'Allah, comment t'appelles-tu » Il lui cita le même nom qu'il avait entendu prononcer dans le nuage. Puis il l'interrogea à son tour « Ô serviteur d'Allah, pourquoi veux-tu connaître mon nom ?» Il répondit « J'ai entendu une voix provenant du nuage dont voici l'eau, et qui disait « Arrose le jardin d'un tel. Que fais-tu donc de la récolte ? » Il répondit, « Puisque tu me le demandes, alors sache que j'estime la production du jardin, puis j'en donne un tiers en aumône, j'en consomme un autre tiers avec ma famille, et je remets en terre le dernier tiers. » Muslim.